Proverbe chapitre 24. Ne porte point d'envie aux hommes malins, et ne désire point d'être avec eux. Car leur cœur pense à piller, et leurs lèvres parlent de nuire. La maison sera bâtie par la sagesse, et sera affermie par l'intelligence. Et par la science les cabinets, seront remplis de tous les biens précieux et agréables. L'homme sage est accompagné de force, et l'homme qui a de l'intelligence, renforce la puissance. Car par la prudence tu feras la guerre avantageusement, et la délivrance consiste dans le nombre des conseillers. Il n'y a point de sagesse qui ne soit trop haute pour le fou, il n'ouvrira point sa bouche à la porte. Celui qui pense à faire mal, on l'appellera songe malice. Le discours de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination à l'homme. Si tu as perdu courage dans la calamité, ta force s'est diminuée. Si tu te retiens pour ne délivrer point, ceux qui sont traînés à la mort, et qui sont sur le point d'être tués. Parce que tu diras, voici, nous n'en avons rien su, celui qui pèse les cœurs, ne l'entendra-t-il point, et celui qui garde ton âme, ne le saura-t-il point, et ne rendra-t-il point à chacun selon son œuvre? Mon fils, mange le miel, car il est bon, et le rayon de miel, car il est doux à ton palais. Ainsi sera à ton âme la connaissance de la sagesse, quand tu l'auras trouvée, et il y aura une bonne issue, et ton attente ne sera point retranchée. Méchant, n'épie point le domicile du juste, et ne détruis point son gîte. Car le juste tombera sept fois, et sera relevé, mais les méchants trébuchent dans le mal. Quand ton ennemi sera tombé, ne t'en réjouis point, et quand il sera renversé, que ton cœur ne s'en égaie point. De peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne lui déplaise, tellement qu'il détourne de dessus lui sa colère sur toi. Ne te dépite point à cause des gens malins, ne porte point d'envie aux méchants. Car il n'y aura point de bonne issue pour le méchant, et la lampe des méchants sera éteinte. Mon fils, crains l'Éternel, et le roi, et ne te mêle point avec des gens remuants. Car leur calamité s'élèvera tout d'un coup, et qui sait l'inconvénient qui arrivera à l'un et à l'autre? Ces choses aussi sont pour les sages, il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes en jugement. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudiront, et les nations l'auront en détestation. Mais pour ceux qui le reprennent, ils en retireront de la satisfaction, et la bénédiction que les biens accompagnent se répandra sur eux. Celui qui répond avec justesse, fait plaisir à celui qui l'écoute. Range ton ouvrage dehors, et la prête au champ qui est à toi, et puis bâtis ta maison. Ne sois point témoin contre ton prochain, sans qu'il en soit besoin, car voudrais-tu t'en faire croire par tes lèvres? Ne dis point, comme il m'a fait, ainsi lui ferai-je, je rendrai à cet homme selon ce qu'il m'a fait. J'ai passé près du champ de l'homme paresseux, et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens. Et voilà, tout y était monté en chardon, et les orties avaient couvert le dessus, et sa cloison de pierre était démolie. Ayant vu cela, je le mis dans mon cœur, je le regardai, j'en reçus de l'instruction. Un peu de dormir, un peu de sommeil, un peu de ploiement de bras pour demeurer couché. Et ta pauvreté viendra comme un passant, et ta disette, comme un soldat.